Chapitre 5. Plan de campagne. René Caudal était un esprit trop droit, de trop longue date accoutumé à la rigueur des choses mathématiques, pour n'avoir pas cherché à expliquer, par des causes simples et naturelles, l'aventure inouïe de son immersion. Il était parti de ses prémices. Premièrement, je ne suis pas le jouet d'une hallucination, puisqu'il me reste de mon plongeon une bague admirable, unique et de grand prix. Deuxièmement, le vieillard et la jeune fille que j'ai vus dans la grotte merveilleuse n'étaient pas des fantômes, par la raison qu'il n'y a pas de fantômes. Troisièmement, ce sont des êtres vivants, placés, par un concours de circonstances que j'ignore, dans des conditions d'existence spéciales, bizarres, extraordinaires, à quelques centaines de mètres au-dessous du niveau de l'océan, puisque les cartes marines indiquent dans cette région de l'Atlantique des profondeurs qui ne dépassent pas 1000 mètres. Quel peut être l'habitat de ces êtres réels et vivants, mais anormaux ? Très vraisemblablement une grotte, ou une série de grottes qui se prolongent sous la mer en empruntant leur air respirable à des cheminées, à des évents affleurant dans les rochers de quelque île voisine. Telle était la seule conclusion raisonnable qui pût se présenter à l'esprit du jeune officier. Elle l'amena par une pente aisée à se demander si le hasard ne l'avait pas placé sur la piste d'une grande découverte, ou du moins d'une grande vérification historique, celle du continent ancien, aujourd'hui disparu sous l'océan, que les traditions les plus lointaines de l'humanité placent entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, sorte de grande île, jadis analogue à l'Australie, puis submergée par la mer, et dont Madère, Tenerife, les Açores, les Antilles seraient seulement les débris ou les jalons restés apparents. Sur l'existence de ce continent atlantique, situé au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire du détroit de Gibraltar, et sur sa disparition à la suite d'un grand cataclysme, les historiens, les géographes et les philosophes de l'Antiquité ont toujours été d'accord. Platon en parle maintes fois dans ses écrits. Il indique la source de la tradition qu'il reproduit et qui n'est assurément pas sans autorité. C'est son grand-oncle Solon, le législateur d'Athènes, qui tenait des prêtres égyptiens de Saïs ses renseignements sur l'Atlantide, comme on appelait cette terre mystérieuse. À quelle race humaine se rattachaient les Atlantes qu'il habitait ? Sur ce point, la tradition est plus confuse. Les uns voulaient que ce fût une race indigène qui serait venue envahir l'Europe, c'est-à-dire la Grèce, sans la résistance acharnée que lui opposèrent les Pélages, ancêtres des Grecs. Les autres estimaient au contraire que l'Atlantide était une colonie grecque, peut-être une de celles que Jason et ses compagnons avaient fondées en allant à la recherche de la toison d'or. Mais tous les auteurs anciens s'accordent pour constater que l'Atlantide a disparu quelques milliers d'années avant l'ère présente et que les bas-fonds, les bancs d'herbes marines connus sous le nom de mer des Sargasses, les pics et les îles de cette région sont, en quelque sorte, les ruines du continent submergé. Voilà les indications sommaires, mais positives, que l'histoire donnait à René Caudal. Il savait, d'autre part, que la préoccupation de l'Atlantide avait joué un rôle décisif dans l'esprit des navigateurs du XVe siècle. Christophe Colomb, pour ne citer que lui, cherchait la route des Indes par l'ouest, avec la conviction qu'il devait nécessairement trouver, de distance en distance, des îles survivant au grand continent disparu et qui lui serviraient de point de relâche. La découverte des Açores et des Antilles justifia dans une large mesure cette prévision basée sur la géographie rationnelle. Tous les sondages effectués depuis un demi-siècle, notamment par l'amiral Fleuriot de Langle, dans la région de l'Atlantique, comprise entre le 12e et le 60e degré de longitude ouest, montre d'ailleurs cette région comme littéralement pavée de bas-fonds, de récifs, de bancs de sable, de ce qu'on appelle, dans le langage nautique, du nom expressif de vigie. Enfin, les conclusions actuelles de la physique du globe ne permettent pas de révoquer en doute la possibilité et même la probabilité des faits relatifs à l'Atlantide et à sa disparition. Des révolutions considérables se sont produites et se produisent encore sous nos yeux dans la configuration des terres et des mers. C'est ainsi que la brisure du Pas-de-Calais s'est accomplie à une époque relativement moderne entre la Gaule et la Grande-Bretagne. Que la côte normande s'est en partie abîmée sous les eaux, très peu de temps avant l'ère carlovingienne, en ne laissant plus émerger que les archipels de Jersey et de Guernesey. Que, de nos jours même, et en pleine Méditerranée, on a vu disparaître l'île de Santorin, apparaître de nouvelles terres, tandis que, dans l'Extrême-Orient, des cataclysmes effroyables modifiaient en quelques jours la physionomie des archipels javanais. On sait aussi que l'Amérique était primitivement beaucoup moins étendue qu'aujourd'hui et que le prodigieux bassin de l'Amazone, celui de la Plata, la Floride, la Patagonie, la Louisiane, le Texas, sont des terres récemment abandonnées par l'océan. Tout démontre en un mot que la configuration des continents et des mers varie sans relâche à la surface du globe, tantôt par l'action lente et continue des érosions, des alluvions, des vents et des marées, tantôt par l'effet soudain de quelques grandes commotions locales. René Caudal pouvait donc, sans imprudence, admettre comme certain le fait d'une terre atlantique abîmée sous l'océan et rattacher cette donnée historique au souvenir inoubliable qu'il avait gardé de son séjour au fond de la mer des Açores. Plus il examinait la question, plus il lui semblait impossible de ne pas croire que ses deux interlocuteurs sous-marins, ce beau vieillard et cette jeune fée, étaient des Atlantes, de vrais Atlantes en chair et en os, survivant au naufrage de leur patrie. Comment ? Par quelle filiation mystérieuse ? Par quels artifices raffinés ? Par quels moyens presque surhumains ? Il n'en savait rien et ne voulait pas risquer à cet égard d'hypothèses inutiles. Une certitude s'imposait, celle de ce qu'il avait vu, de ses yeux vu, ce qui s'appelle vu. Une volonté arrêtée, celle de revoir ces choses, de percer à jour ce mystère, d'élucider peut-être un grand problème géographique. Pourquoi pas, après tout ? Pourquoi ne pas arriver à refaire volontairement, systématiquement et les yeux ouverts, ce voyage qu'un coup de mer lui avait fait accomplir dans l'inconscience ? Pourquoi ne pas redescendre de son plein gré dans ces abîmes où il avait pu tomber inanimé pour se réveiller comme en rêve, jouer son rôle dans une scène mimée et repartir comme il était venu ? René prit avec lui-même l'engagement de tenter l'entreprise. Et ainsi qu'il avait coutume de bien faire ce qu'il faisait, il se demanda d'abord par quels moyens il pourrait échanger des idées et des renseignements avec ses Atlantes, si le bonheur voulait qu'il parvînt à les retrouver. À aucun prix, il ne lui convenait de se revoir dans la situation pénible, sinon ridicule, d'un homme qui entend les gens s'entretenir de lui à sa barbe et qui ne comprend rien de ce qu'ils disent. Quelle langue parlaient le vieillard et sa fille ? La conviction s'implantait graduellement dans son esprit que leur langue était le grec ancien. Cette conviction, corroborée par le cadre de leur existence, par leur mobilier, par le caractère de leurs vêtements et de leurs attitudes, devint une certitude, un soir que le jeune officier parlait tout seul, à haute voix, sans y prendre garde, de ce qui occupait nuit et jour sa pensée. Il venait d'articuler machinalement quelques-uns des sons qu'il avait saisis au vol dans la grotte sous-marine. « Pater, agathos, tougater ». Se jeter sur ses vieux livres classiques, ouvrir l'Iliade et l'Odyssée, y rechercher avec fièvre les mêmes mots, cela fut l'affaire d'un instant. Et tout aussitôt, les bribes de grec qui dormaient en sa mémoire se réveillèrent d'un long sommeil. Les vieilles racines de Claude Lancelot brillèrent devant lui en caractère phosphorescent. Il se surprit à murmurer comme jadis « Pater, père, apator, sans père ». Agathos, bon, brave à la guerre. Tougater, la fille s'appelle Oh, les bienheureuses racines, les délicieuses rhapsodies, combien René savourait en ce moment ces rimes tant maudites autrefois. Il s'expliquait maintenant ses hésitations. C'était l'accent de ses hôtes qui l'avait dérouté longtemps, une musique dont les annonnements du collège ne donnent à vrai dire qu'une idée très lointaine. Mais désormais il était sur la voie. En comparant d'autres mots de même ordre à ceux dont son oreille avait gardé le rythme, il pouvait se faire une idée approximative de la manière de les prononcer. Il pouvait enfin étendre le procédé à d'autres classes de mots se reliant au premier par quelque côté. Il arriva promptement de la sorte à se créer de toutes pièces un système d'accentuation, et comme le résultat était harmonieux, il en conclut que c'était le vrai. En même temps, il se lançait à corps perdu dans l'étude du vocabulaire, de la syntaxe, des flexions de tous ordres. Mais par-dessus tout, il s'attachait aux racines, à ces chères racines qui sont la clé de la langue, et dont le bon Rollin a dit avec tant de raison qu'elles donnent une facilité incroyable pour l'intelligence des auteurs. À toute heure, on le trouvait le livre en main, se répétant à lui-même quelques-unes de ses rimes naïves. Mélie, le miel, doux à la bouche. Mélissa, mélifique mouche. Des exercices aussi soutenus ne pouvaient guère se poursuivre sans qu'Hélène les remarquât. Elle voulut en connaître l'explication, que René ne lui cacha point. Et, tout aussitôt, de se passionner elle aussi pour l'étude du grec, de s'engager à son tour dans le jardin des triomphantes racines et de rivaliser d'ardeur à les cultiver avec René. On ne s'abordait plus qu'en se bombardant d'un dixin. On ne respirait plus qu'en grec. Par les couloirs, les jardins et les prés, voltigeaient de toutes parts des mots ailés. A, faites un, prive, augmente, admire. Adzo, j'exhale et j'aspire. Tant et si bien qu'à son tour Kermadec, imitant son officier en tout, et d'ailleurs doué d'une mémoire prodigieuse, fut pris de la contagion, entra dans le mouvement et se mit peu à peu à se frotter de grec. On l'entendait murmurer en polissant ses cuivres. Aguelet, grand troupeau de bœufs. Le docteur Patrice, tout en protestant pour la forme, se laissait lui aussi atteindre par l'épidémie et ne savait pas résister au plaisir de montrer qu'il n'avait pas entièrement oublié ses études classiques. Seule, Madame Caudal restait imperméable à la folie générale et se demandait en levant les bras au ciel ce qu'ils avaient tous à parler du matin au soir une langue pareille. Cependant, René ne négligeait point les parties positives de son programme. Il s'était entouré de toutes les cartes et de tous les documents qui pouvaient éclairer le problème à résoudre. Il avait réfléchi mûrement et arrêté ses projets. La question première n'était pas pour lui de trouver les associés, les forces, les matériaux nécessaires à l'exécution d'une fantastique entreprise. Il fallait aussi obtenir de ses chefs un congé supplémentaire et de sa mère la permission de passer ce congé à la mer. Sur ces entrefaites, il reçut sa nomination au grade d'enseigne de vaisseau. Ce n'était que justice, car depuis un an déjà, il figurait au tableau d'avancement pour action d'éclat. Cette promotion eut un premier et immédiat effet en facilitant à René l'accomplissement de ses projets. Il obtint sans peine les 3 mois de liberté qui lui étaient nécessaires. Madame Caudal fut plus malaisée à convaincre. Mais à quoi n'arrive-t-on pas avec de la persévérance et de la diplomatie? Travaillée par Hélène, la bonne dame n'était plus loin de confesser qu'après tout, si René désirait consacrer ses loisirs à un voyage d'exploration personnelle, il n'y avait pas de motif de s'y opposer. Or, ce voyage, le jeune officier en préparait en toute hâte les voies. Il était, depuis 3 semaines, entré en correspondance réglée et quelque peu mystérieuse avec un personnage inconnu de tous à la maison. Le fidèle Kermadec apportait les lettres adressées et mises à la poste de la ville. On voyait le brave garçon sans cesse en route entre l'Orient et les peupliers, fier de servir son officier, gros d'importance, prêt à se faire mettre en morceaux plutôt que de trahir un secret que, d'ailleurs, il ne connaissait pas. Ce secret n'en fut plus un le jour où René, en s'asseyant à la table du déjeuner, tendit à sa mère une lettre ouverte en la priant d'en prendre connaissance. Le prince de Monte-Cristo invitait M. René Caudal à venir passer quelques semaines à bord de son yacht Cinderella pour causer de ses idées si curieuses et si neuves sur la flore de la côte africaine. Tout le monde sait que le yacht Cinderella poursuit depuis plusieurs années dans l'Atlantique des sondages de haut fond. C'est un superbe navire, commandé par son propriétaire en personne et outillé à merveille pour les recherches qu'il poursuit. Plusieurs savants célèbres ont reçu l'hospitalité à son bord et ont rapporté de leurs explorations des faits d'une certaine importance, aussitôt communiqués aux académies et enregistrés par la presse. Une invitation à passer quelques semaines sur ce yacht illustre devait être considérée par Madame Caudal comme la plus flatteuse des faveurs pour son fils bien-aimé. Certes, elle soupirait en le voyant sacrifié à la mer des jours de repos qui semblaient dus à la terre, mais la satisfaction de savoir René à même de se distinguer dans une entreprise pacifique apportait quelque adoucissement au chagrin de la séparation. Elle accorda donc, sans trop de peine, le consentement attendu. 8 jours plus tard, le jeune enseigne de vaisseau, escorté de Kermadec, prenait le train pour Lisbonne, où devait l'attendre la Cinderella.